Je suis Didier Ottinger, le commissaire de l'exposition Hopper. Exposition importante qui est la première exposition consacrée à ce grand peintre américain à Paris. D'autant plus importante que Hopper a toujours exprimé une grande affection pour la culture, pour l'art français. Il a séjourné à plusieurs reprises à Paris, il parlait couramment français, il lisait jusqu'à la fin de sa vie les ouvrages importants de la littérature française dans le texte, donc il était important de lui rendre un hommage, en particulier à Paris. Pour cet album, nous avons choisi 9 tableaux de Edward Hopper qui permettent de rendre compte des différents enjeux qui sont liés à sa peinture, des enjeux qui peuvent être d'ordre esthétique, c'est-à-dire que certains tableaux sont reliés à certaines grandes œuvres de la peinture universelle, certains sont reliés à des iconographies, à des sujets qui permettent là aussi de traverser l'histoire de l'art et de rendre compte de la grande culture visuelle de Hopper, des souvenirs qu'il a pu garder toute sa vie, de certaines œuvres très importantes qu'il a vues en particulier au musée du Louvre, mais également le choix des tableaux à porter sur des œuvres qui permettent de le resituer dans la culture américaine. Hopper, le grand peintre de l'Amérique, est celui qui permet aux visiteurs également de découvrir les sources qui étaient les sources de Hopper, tant du point de vue littéraire. Hopper s'est très vite intéressé aux plus importants écrivains de la littérature moderne américaine. C'est quelqu'un qui avait une grande culture livresque, philosophique, et à travers ses œuvres, on peut également découvrir tout un pan de la philosophie américaine qui n'était pas forcément très connu par le public français en particulier. Les liens de Hopper avec Ralph Waldo Emerson sont absolument fondamentaux. On a également une possibilité, à travers les tableaux de Hopper, de réécrire une histoire de l'art moderne américain qui n'est pas forcément celle que l'on connaît le mieux en France. Hopper s'inscrit dans une mouvance qui est celle du réalisme américain, une tendance qui a été très peu privilégiée, étudiée et même considérée par l'historiographie française. Et finalement, le choix des tableaux permet d'embrasser à la fois la culture américaine, l'histoire de l'art américain et évidemment les sujets spécifiques qui sont ceux de l'œuvre de Edward Hopper. Je vous souhaite de trouver autant de plaisir à l'écoute de cet album que nous en avons eu à concevoir cette exposition.